My name is Thierry, and I'm originally from Cameroon. I'm making this recording on May 8, 2012 for the Rosetta Project Record a Tone. I'm going to talk about me in the French language. I dedicate this recording to the public domain. Oui, bonjour, je m'appelle Thierry, je suis né au Cameroun. J'ai grandi là-bas avec mes sœurs. J'ai trois sœurs. Et pendant toute la période où j'étais là-bas, je suis allé au lycée. Après le lycée, je suis parti en Allemagne pour étudier. J'ai fait mes études en Allemagne, j'ai étudié électrotechnique et après j'ai fait un doctorat. Après mon doctorat, j'ai travaillé quelques années dans un institut de recherche. Ensuite, j'ai fait une application pour un travail aux États-Unis et je suis venu en 2010. Et depuis, je travaille dans un centre de recherche. J'aime bien ce que je fais. Je dois développer des modèles numériques qui servent à prédire la consommation d'énergie des bâtiments. J'aime bien ce que je fais parce que c'est très applicable. Ça peut être appliqué un peu partout, que ce soit en Europe ou que ce soit en Afrique. Et je pense qu'il serait grand temps pour, par exemple, l'Afrique de penser à changer le système éducatif, permettre que les gens, dès la prime enfance, apprennent déjà comment est-ce que on peut construire, par exemple, des bâtiments qui soient déjà adaptés à l'environnement et ensuite dont la consommation d'énergie est basse. Sinon, dans mon temps, quand j'ai du temps, j'aime bien jouer au basketball. Je joue au basketball depuis ma prime enfance. Et j'aime bien jouer à ça parce que c'est intéressant, à la différence de plusieurs autres sports ou bref, c'est assez ennuyeux. Dès que quelqu'un a déjà marqué un peu trop de points à la fin, on sait déjà qui va gagner. J'aime bien le basketball parce que c'est dynamique, ça change tout le temps. Sinon, j'ai une sœur qui est en Allemagne. En fait, deux sœurs qui sont en Allemagne. Une travaille déjà, l'autre étudie encore. Et j'ai une autre sœur qui est encore au Cameroun. Et celle qui est au Cameroun travaille aussi. Et sinon, si on me demandait de comparer le Cameroun et l'Allemagne ou les États-Unis, je trouverais que au Cameroun, c'est très bien de vivre. Les gens sont joviaux. Le temps est un peu trop chaud, le système économique n'est pas le mieux. En Allemagne, les gens ne sont pas si joviaux, mais le système économique est très bien. Et aux États-Unis, bon, le système économique il est ok, les gens sont joviaux, mais bon, c'est bref. En tout cas, dans chacun de ces pays, il y a quelque chose de, il y a un truc qui est bien et pas bien, quoi. Le plus important, en fait, je me dis, c'est de où que nous soyons, essayer de voir. Ce qui est important pour chacun personnellement et essayer de faire du mieux avec, quoi. Bon, à part cela, ce qui m'a bien plu aussi de venir aux États-Unis, c'est que j'ai eu l'opportunité d'apprendre l'anglais, de parler un peu plus anglais. Et je me dis qu'après quelques années ici, bref, je pourrais continuer à m'améliorer. Et j'aime aussi le labo où je travaille bien parce que j'apprends beaucoup de choses et je rencontre vraiment de très bonnes personnes et ça me permet d'avoir une expérience. Maintenant j'ai une expérience au niveau du continent africain, américain, européen et qui sait, peut-être un jour j'aurai aussi une expérience au niveau asiatique, pourquoi pas. Bon, à part ça, ça m'a bien fait plaisir de participer à ce projet. J'espère que ma contribution aidera à réaliser ce qui souhaite être réalisé dans ce projet. Et je vous souhaite bien du courage et à la prochaine. Bye bye.